shaking in the corner. Chanter bien someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seems. Disappointing on good all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a dream. If I tried. À écouter sur nostalgie.be. Such a beautiful day. 60. Vieillir, variété et liberté. Nostalgie. Oui, nostalgie. Nostalgie. Il est 19h. Nostalgie. Une furieuse envie de We had a

flower, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody lost somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone. Vous êtes au cœur des années 60. Quand l'amour s'en va pour de bon.

centimes, tout appartient à la société anonyme. Afin d'augmenter leur standing, un jour la société a fait construire près du building une belle cité. On est en talis d'autorité, voici l'appartement. Pour le paiement, tout est réglé, on vous aidera maintenant, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non. Tu ne vaux pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Pour les week-ends, on est gentil, on te prête une auto. Elle est graissée, elle est lavée, une 23 chevaux. Ta petite amie te voit de loin quand tu viens la chercher. Car sur les portes, on lit très bien le nom de la société, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Après 30 ans d'un dur labeur courbé par l'ambition, si même tu finis directeur à monsieur au grand nom, que feras-tu quand t'arrivera le jour de l'addition? Lorsque les gens près de Saint-Pierre ensemble te diront, rien n'est à toi, il ne vaut pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non, non, tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non, tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you, yes, I want you so bad.

chaque fois que tu as cru en moi. Tu sais bien que j'ai gagné pour toi. Ton amour me suffirait pour te donner un monde entier. Et ce monde sera fait pour toi. Et personne n'y viendra que toi. Notre vie commencerait et tu vivrais dans ce monde à moi. Ton amour me suffirait pour te donner. In my brain, oh Lord, are they gonna change? Seems a lot of years ago, I needed so. Can't go on sad, I feel so bad, I think I'm mad. My year is a day, and my year is a day. About it all the time. It hurts just to think about the lies. Gonna sing a song again, but not the one that's running in my head. I gotta learn to be a man and help myself. I gotta go on. I can't last long singing this song. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60.

per uscire sola con te e non avrei, non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io est-ce que tu le sais? pas rester vieux garçon. Il doit bien y avoir une solution. Oh, oh. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Nostalgie 60. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Nostalgie. I like the funny feeling being here with you. like it more with every day. And I like it always hearing you say you're liking it too. You're liking it too. Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets. Si jamais elle l'entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour. Pour elle et moi, je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi. Ta guitare de fortune guide mes pas. Pierrot m'avait prêté sa plume ce matin-là à ma guitare de fortune. J'ai pris le la, je me suis pris pour un poète en écrivant les mots qui passaient par ma tête comme le vent. Pierrot t'avait prêté sa plume cette nuit-là à ta guitare de fortune. Tu pris le la et je t'ai pris pour un poète en écoutant les mots qui passaient par ta tête comme le vent. J'ai habillé la dame brune dans mes pensées des morceaux de voile de brume et de rosée. J'ai fait son lit contre ma peau pour qu'elle soit bien, bien à l'abri et bien au chaud entre mes mains. Habillée de voile de brume et de rosée, je suis la longue dame brune. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi à travers les monts et les dunes. J'entends ta voix pour une longue dame brune. J'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets. Je sais qu'elle l'entendra un jour. Qui sait demain pour que cette chanson d'amour finisse bien. Bonjour, je suis la dame brune, j'ai tant marché. Bonjour, je suis la dame brune, je t'ai trouvé. Fais-moi place au creux de ton lit, je serai bien, bien au chaud. Bien élaboré contre terre. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Nostalgie. When tears are in